100% francês com Ricardo de Matos. Boa tarde e sejam novamente bem-vindos à hora mais francófona da Rádio em Portugal. Começamos com um dos maiores sucessos dos Golds, este Capitaine Abandonné, esteve no número 1 do top francês na última semana de março de 86. No 100% francês, avançamos até aos dias de hoje para apresentar a primeira estreia da semana. É um grupo francês relativamente recente, foi formado oficialmente em 2006. Apresentaram este ano o segundo trabalho de Les Phares du Jour. Marion Chrétien e MC Blaise Baptiste são os elementos-chave dos Laomé que se apresentam aqui com este soul music. Et ça commence comme toujours au bar. Deux, trois demi, un whisky, des glaçons. On s'était dit qu'on rentrait pas trop tard. Demain matin, 8h. Répétition. C'était avant qu'on s'empare du piano, que le patron s'empare de nos verres, qui nous interdisent de boire de l'eau pendant qu'on joue la tête à l'envers. Et laisse-moi t'expliquer comment tout ceci commence. Je croise Chris à 20h juste au mauvais moment. Ça se refuse pas, parole de laomien. Une jam se profile donc j'y convie tous les miens. En moins d'une demi-heure on est plus d'une demi-douzaine d'amis du zinc autour d'une dizaine de demi. Amis du vin et des substances euphorisantes, bonsoir. C'était après les 10 derniers verres. C'était après qu'on ferme le bar. Bien après que je sois tombé par terre. On a dû faire 3 fois le tour de la ville. Chercher une boîte où s'arrêter. On a dû chanter pour tous les vigiles. Jusqu'à l'évidence. Ça va pas être possible, désolé. Ouais, moi j'ai des souvenirs fous. Des souvenirs fous, des images me reviennent, je me vois mais je ne sais plus où. Des gens qui chantent ou qui crient mes doigts sur un piano. Un verre qui se vide, qui se remplit aussitôt. Cette fille à qui j'ai dit que j'étais champion de boxe thaï. Son mec qui m'a prouvé le contraire à base de grosses tartes. Oh, cette soirée chez des inconnus tout nus. Ouais, bizarre. On a récupéré la tease, après on a tous couru. Et Vincent nous explique qu'il est du FBI. Yo, je sais pas, il est parti avec une meuf bizarre. Je vois ce bar, on nous oblige d'en sortir. Des paquets de clubs vides quand j'y pense, j'ai envie de... Ouais, ça va. Je vois Marion se battre avec des mecs surexcités. J'entends une bouteille qui se brise, après j'avoue j'ai oublié. Bah bravo. On croise un mec. C'est bien vous qui faites de la sauce. Ouais, enfin si tu savais, on fait plutôt de la... Copine, l'aspirine, je la regarde effervescente comme la soirée d'hier. Je suis pas fier. J'ai ce putain de refrain dans la tête. Dans ma voix, pour parler encore à ton âme, je peins ton visage au passage.

ses dessins abandonnés, où il ne reste d'autres peintures que l'étoile des araignées, où il ne reste que des blessures. Pouvait-on imaginer pire que d'annuler ses belles aventures et le soir s'endormir avec un joueur de guitare, une espèce de flemmard qui parle et qui s'envole au son de sa casserole. Des amours diaphanes, des après-midi de Florence, quand la douce lumière de Toscane chauffait les reins de son insouciance. Comment se garder de trop attendre les petites marchandises du monde, quant au héros de ses rêves tendres, aucune chance qu'on le confonde avec un joueur de guitare, une espèce de flemmard qui parle, qui s'envole au son de sa casserole. Para a guitarra nos últimos minutos do 100% francês, primeiro com Guillaume Grand e agora com Pierre Schott, num tema chamado precisamente Le Joueur de Guitare. E é mesmo, e dos bons. E agora com o autodidata de Val d'Oise, em França, 2008 foi a data de apresentação ao público através do seu primeiro trabalho. Agora, e depois de algumas subidas ao palco, nas primeiras partes dos concertos dos Louise Attaque, deram-lhe alguma visibilidade, mais confiante, apresenta agora o seu segundo álbum chamado Le Temps nous dira, que é também o nome deste tema. On garde la tête froide et nos sentiments cachés. Par à coup et sans gloire, je ne faisais que passer. Je ne faisais que passer. On garde nos corps chauds et nos belles heures recyclées. Par l'étau de la foire et du rouleau compressé. Et du rouleau compressé. Le chemin était le droit. la tête froide et nos sentiments cachés. Par à coups et sans gloire, je ne faisais que passer. Je ne faisais que passer. fr.blogspot.com 100% francês com Ricardo de Matos. François Hardy com a mais antiga de hoje, de 1982, Tire Passe o L'Ambulance. É excelente para ouvir em rádio, mas nada aconselhável para ver em videoclipe. Nem este, nem a maioria dos temas de François Hardy dos anos 80. Bem, não se pode ter jeito para tudo, pois claro. Estão preparados para muito ritmo? Espero que sim, porque as próximas duas músicas do 100% francês não são compatíveis com o sossego. Avance para já, Christophe Willem com o seu Berlin. Berlin m'appelle. strong enough. It takes me higher than heavens above. I feel like a dream, yeah, I know it's true, yeah, I'm where I belong. Tinha avisado ritmo a 100% no 100% francês, desta vez com Ophélie Winter em Je Cours. E agora uma estreia atrás, já é do último trimestre de 2009, foi e continua a ser uma das mais ouvidas do último ano. O 100% francês oferece-lhe, por isso, uma música com provas dadas e que traz a canadiana Béatrice Martin dos Cœurs du Pirate ao lado de Julien Doré em Pour un infidèle. Des lèvres en tremblant. L'homme que ton cœur porte sans moi fort. Et si le combat prend fin, c'est sûrement parce qu'on t'a pris par la main. Et tout bas tu me murmures que tout ce que j'aime tu me l'assures. Et dans tes défaites tu me promets qu'un nouveau jour est pour demain. Vibre plus fort, et les craintes qu'elle s'amplifie. Elle sait qu'une autre fut dans mon lit. Tout bas je lui murmure de calmer toutes ses inquiétudes. Et dans mes mensonges je lui rappelle qu'à mes yeux il n'y a plus qu'elle. Et doucement tu me fais voir les plus douces de tes histoires. Plus notre idylle avance, d'autres filles entrent dans la danse. Et doucement tu m'as fait voir les plus douces de tes histoires. Et plus notre idylle avance, d'autres filles entrent dans la danse. Oh, 10 anos atrás que Carrenan se deu a conhecer com o trabalho da biografia de Luca Philipsen, que incluía este Aeroplan. Teve ainda a oportunidade de trabalhar pouco tempo depois com Henri Salvador, num dos seus últimos trabalhos, e desde 2007 que não grava nada de novo, com exceção para este ano na participação da banda sonora do filme Thelma, Louise e Chantal. Mas está previsto um novo álbum de Carrenan, já em fevereiro de 2011, deverá chamar-se Saint-Ain. A reta final da seleção oficial do 100% francês de hoje, a cargo do canadiano Justin Nozuka e também de Zao, é convidada. É de resto um hit do momento, este Heartless, La Promesse. Até já. Promised not to leave, I said I'd never disappear. She knows I'll come back someday. Crying in the bathroom as the mirror disappears, holding on to fading moments. Oh mama, I think I did it again. I got lost in the wind again. Oh mama, I think I did it. I got lost in the wind again. No one ever leave you heartless, heartless. Never leave you standing in the darkness, the darkness. Oh darling, no, I promise. Francês, música extra. Murat, Emotion. 2003. C'est dans un miroir que je viens vous voir en réflexion. Sur un quai de gare, il se fait bien tard, nous attendons. Puis le requin blanc remonte le temps, je vous retrouve à présent. Voulez-vous un chant pour votre ex-amant, déchiquetez ce moment. Emotion, my emotion. Se croque tout cru, nous nous aimons. Étrangers aux larmes, aux fausses alarmes de vrais champions. Puis le requin blanc remonte le temps, je vous retrouve à présent. Voulez-vous d'un chant pour votre ex-amant, déchiqueté. C'est ce moment. Alaska, Blood on Lam, 1994. C'est l'heure où tous les bars se vident. On siffle encore un dernier verre. Les ombres dans la ville humide fredonnent encore tes derniers vers. Entre deux lunes, au petit matin, c'est toujours pareil. Dans les couloirs de la porte des lilas, sur le quai juste d'appareil, point sonné quand t'es pas là. Just a song for you. Bleu dans l'âme, fume ses gitanes. Rentre feu de lumière. Alain Souchon, au ras des pâquerettes. 1999. Sans se penchant pour une personne, l'être aimé. Sans les ailes que ça vous donne d'être aimé. On reste au ras des pâquerettes, au ras des pâquerettes, sans cette attirance qui plane sur le monde, dont on est toxicomane, tout le monde. On reste au ras des pâquerettes. L'envie de voler si légitime passe par des moments intimes. Sans les mots de jalousie, des bagarres, mouchoirs lancés des trains partis dans les gares. On reste au ras des pâquerettes, au ras des pâquerettes. Si l'amour est une montgolfière, la vie un voyage pas long à faire. Montons au-dessus des villes, des campagnes, sous l'effet de nos baisers de propane. Cœur léger, cœur léger dans les nacelles. Les amoureux volent dans le ciel, laissant en bas les cœurs lourds de ceux qui n'ont pas d'amour. La vie sans l'amour et ses délices, qu'en est-il? C'est comme un avion sans hélice, inutile. On reste au ras des pâquerettes, au ras des pâquerettes. Si l'amour est une montgolfière, la vie un voyage pas long à faire. Montons. flottant au-dessus des villes et des campagnes, sous l'effet de nos baisers de propane. Cœur léger dans les nacelles, les amoureux volent dans le ciel, laissant en bas les cœurs lourds de ceux qui n'ont pas d'amour. Sans les mon amour chéri, adorable, laissé sur les messageries de portable, sans les ballons de nos berceaux qui s'envolaient, sans les seins de Sophie Marceau, qu'est-ce qu'on fait ?